Pour ce Jean-Paul Mbélé, quand on a dit cela, qu'est-ce qui reste donc finalement pour tout faire afin de consolider la stabilité au sein de la CEMAC et sauver notamment la République centrafricaine qui fait l'objet de toutes les cibles de déstabilisation? Tout à l'heure que le Tchad n'a pas les moyens de faire partir Barkhane ou les troupes françaises qui étaient déjà présentes sur le sol tchadien, parce que c'est un fait colonial. Effectivement, le père Déby avait essayé, il avait même, comme Kézan Banaté l'a rappelé, il avait même dit que la France ne payait pas la redevance, voilà, il y a longtemps qu'il devait partir à la fin de cette année-là, et ils l'ont eu quelques mois après, ils l'ont fait tuer. Voilà. Et moi je pense que contre vent et marée, l'équation là n'a pas d'autre solution que celle-ci d'abord. Il y en a d'autres, mais celle-ci d'abord, il faut faire partir l'armée française du Tchad. Quel que soit Alpha, c'est une condition nécessaire. Peut-être pas suffisante. L'armée française doit quitter le Tchad. Autre chose pour appuyer Bertrand Tatinda, c'est le franc CFA, arrêter de tergiverser. C'est avec ça qu'on paie les terroristes en zone CEMAC. Et c'est avec ça qu'on paie les terroristes en zone UMOA. Mais puisque on fabrique autant de CFA qu'on veut. Qui est là pour contrôler Chamalier, là, le nombre de productions de francs CFA? Voilà. Donc ils en fabriquent autant qu'ils ont besoin. C'est comme donner à l'État 10% et à en donner 70% aux rebelles. Aux rebelles, et avec ça, oui, c'est ça. Ils achètent les armes, ils achètent la population. Ils corrompent la population avec cet argent-là. Voilà, les jeunes désœuvrés, là. On peut leur donner 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, je ne sais combien. Voilà, ça sort de la caisse. Et on est maintenant à l'heure de la dédollarisation. Or, la dédollarisation pèse beaucoup plus que la décéphalisation. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Si on veut dédollariser et que c'est une nécessité vitale pour le reste du monde, pourquoi ici, en zone CEMAC, on ne va pas décéphaliser? Et en zone UMOA aussi, par ailleurs. Il faut décéphaliser, c'est une question vitale. C'est-à-dire couper la source du financement des terrorismes aussi facile. Il faut leur compliquer la vie. S'ils veulent financer avec leur devise, là, ils vont réfléchir deux fois. Alors, donc, l'autre chose, c'est, je ne sais plus, c'est Fanga ou Tatsinda, j'essaie de remémorer qui a dit quoi, mais en ce qui concerne l'appui, c'est Tatsinda toujours, l'appui militaire, quand un pays de la CEMAC, par exemple, puisque en fait c'est la zone qui nous intéresse aujourd'hui, hein. Nous on n'est pas d'Africains quand même, mais c'est ça qui nous intéresse en premier chef, comme tu veux qu'on se centre, qu'on cible bien les choses, voilà. Oui, que dès qu'il y a un pays en difficulté, les autres doivent l'aider militairement en particulier. Et oui, ça ça peut être colmater les brèches. Non. On doit le faire en cas d'urgence. Mais moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, je le redis là maintenant, il faut qu'on ait une force mutualisée d'office. Quitte à ce que chacun campe dans son territoire, mais qui s'entraîne régulièrement ensemble dans une zone donnée. Et c'est tournant. Et qui soit suffisamment mis en relation, entraîné ensemble, commandé ensemble, avec un centre de commandement unique, de sorte que nous soyons prêts à toute éventualité, pas seulement quand le conflit est, on va colmater les brèches. Et qu'on évalue le danger. Si le danger, c'est qu'on se rend compte que l'OTAN peut mobiliser 50 000 hommes, il faut qu'on prépare nous aussi, au bas mot, 50 000 hommes. Normalement, militairement, c'est trois fois plus. Mais comme nous, on est des Africains, on a la force physique pour, on a la jeunesse pour, on peut mettre juste une force égale, mais beaucoup mieux entraînée, beaucoup plus professionnelle, beaucoup, avec une meilleure logistique, une meilleure préparation et un meilleur encadrement. Voilà. Et on gagnera. Et on verra venir les choses avant. Parce qu'avant, ça passe par le Tchad, peut-être le Soudan. On voit venir avant. On a les moyens de communication, il faut que ça marche bien, bien huilé. Et au niveau des renseignements aussi, il faut que ça circule bien. Tout ça, ça suppose que les responsables actuels de ces États-là comprennent qu'eux-mêmes sont dépassés, parce que ce n'est plus leur temps. Ils sont d'un temps, et ils doivent gérer la transition. Quelqu'un a parlé de transition. C'est Fanga ? Tout à fait. Voilà, comme ça vous aurez tous cité. Il faut la transition. Cette transition est nécessaire parce que nous avons actuellement à la tête des États africains des gens du siècle passé, mais qui sont encore là au pouvoir pour le siècle présent, avec des problèmes du siècle présent qui ne sont pas ceux du siècle passé, avec toute la technologie qui va avec, la rapidité qui va avec. Et eux, ils sont vieux, ils ne sont pas aussi, sans compter les malades. Okay. Donc il faut gérer cette transition-là. Dès maintenant, nous, on a un mouvement panafricaniste. On doit commencer à voir ces panafricanistes en poste. En tout cas, pas loin du centre de commandement, pour se familiariser. Et il faut qu'il y ait une mise en relation entre ces panafricains dans différents pays, là, qu'on se connaisse, pas seulement par les médias, mais dans la pratique. En ce qui me concerne, je le redis, c'est vrai qu'on n'est jamais... Il faut un peu d'humilité, et beaucoup me le prêtent ici, mais je le redis, vous ne savez pas à qui vous avez affaire sur le plateau. Pour moi, c'est comme un gaspillage. J'ai oublié de parler pour moi-même là, parce que je parle pour le pays, je parle pour l'Afrique. Quand on a quelqu'un formé comme moi, je suis formé en physique, je suis formé même en linguistique, je suis formé en histoire, je suis formé en égyptologie, je sais même écrire la langue égyptienne, je suis formé dans beaucoup de choses. C'est que j'ai une vision très large de panafricaniste, n'en parlons pas, je suis né dedans. Comment ça se fait que, de façon intelligente, une telle énergie, on ne la sollicite pas? Le temps passant, on prend de l'âge aussi. C'est pas intelligent. Mais quand je parle de moi, je suis quelqu'un d'autre en train de penser pareil pour lui. Je pense que des énergies comme ça, il y en a beaucoup. Or, on a tendance à focaliser sur les figures que l'Occident a présentées. Tel RFI lui fait la publicité. Alors, c'est la personne qu'on voit. Mais on n'a jamais compris que, une fois que RFI, France 24, toutes ces publicités, les chancelleries occidentales ont mis celui-ci en avant, il n'a jamais de suite. Et il n'est jamais panafricain en plus. Il ne s'engage jamais au niveau de l'action civile. On ne se pose jamais cette question. Or, c'est des choses vitales. Alors maintenant, je vais chuter là-dessus. D'accord. Pour que tu comprennes, mais tu n'es pas le seul. Hein. C'est vrai aussi pour tes collègues journalistes, qu'il y a un moment donné, même en géopolitique, il faut s'élever. Regardez le problème en amont. Très loin dans l'histoire. Ce qui nous arrive là, si on avait bien compris, nous dirigeants, ce qui nous arrive, je parle de ceux qui sont postes, hein, je ne parle pas de ceux qu'on a assassinés, ils ne parleraient jamais de partenaires quand il s'agit des Occidentaux. Ils en parleraient quand il s'agit des Russes, mais pas des Occidentaux. Ils ne se valent pas. Je m'explique. J'ai dit tout à l'heure que la noblesse anglaise, 16% était noire. De souche. Pas immigrés. Ils sont partis où? Vous savez que beaucoup ont été mis en esclavage. On les a dépossédés, on les a envoyés en esclavage en Amérique. Nous avons des, c'est pas des blabla, nous avons des textes. Et ça s'est fait au 18e siècle, le sort de l'Afrique sociale. Donc tant que nous n'avons rien à espérer de nations qui, non seulement nous, on nous a mis en esclavage, ils nous ont colonisés par la suite, mais ceux qui étaient noirs comme nous de souche là-bas en Europe, ils en ont fini avec. Si bien que la conscience historique européenne ne sait plus qu'il y avait des noirs de souche en Europe. Encore au 18e siècle. Le physicien John Mitchell, il est bien noir, black complexion. John Mitchell, c'est lui qui a eu l'idée, la première fois, l'idée de trou noir. C'est lui qui, pour la première fois, a introduit la statistique en astronomie, qui en déduit donc que le soleil, dans le système solaire, est un cas unique. En général, dans l'univers, au moins dans notre galaxie, les étoiles sont par paire ou de façon triple. C'est le système binaire ou le système triple. John Mitchell, celui qui a mis au point l'appareil pour mesurer et préciser la constante de gravitation. Celui qui a le premier commencé à étudier la sismologie et qui a même mis au point les appareils pour mesurer les tremblements de terre. John Mitchell, 18e siècle. Eh bien, c'est la fin. Dès le 18e siècle, désormais, si on ne remet pas en cause cet ordre mondial, il est contre les Noirs. On peut pas, et il vient de l'Occident. Il ne peut pas être nos partenaires. D'accord. J'ai chuté. Merci. Merci. Merci infiniment à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Afrique Média, le monde, c'est nous.